Parce que là, les journalistes, là, au moindre dérapage, on s'en souvient en début de campagne, le caquiste qui a fait caca, ben oui. L'autre assis, l'autre a dit ça, l'autre, ma chaîne à liqueur, a dit qu'elle voulait se séparer, mais qu'elle pouvait pas le dire. Tu sais, la moindre maudite niaiserie pourrait faire mal à la CAQ. Là, ça prend de la discipline au coton. Moi, j'ai vu hier un éveil dans le 4-5-0. J'ai vu que les gens étaient allumés sur les finances publiques. Ouais. J'ai constaté que depuis quoi, 5-6 ans, il y a la série Le Québec dans le rouge, mais il y a aussi l'effet, bon, il y a l'effet Radio X Québec. Donc, ça a commencé à Québec, cette patente-là. Là. L'épicentre, c'est Québec. Mais quand il y a un tremblement de terre, il y a des secousses plus loin, si vous voulez. Des secousses étendues sur le territoire. L'épicentre, ça a été ici, le réveil, et là, on a senti les secousses dans le 4-5-0. Un éveil par rapport à la chose publique, un intérêt par rapport au compte de taxes, finances publiques, économie. Je trouve ça très positif pour l'avenir. Ouais. Mais c'est 4 ans de Parti libéral. Exact. Moi, j'étais très partagé hier. Là. Enfin, fin de soirée, là. J'étais content de se débarrasser de l'option souverainiste. Bon, je comprends, on s'en est pas débarrassé. Là. Ils ont quand même 30 députés. Là. Ils vont avoir de la jasette pareil. Là. Mais j'étais content qu'on évacue. Parce qu'on s'entend que la prochaine campagne ne pourra pas être une campagne référendaire. Ils n'ont pas le gros bout, pas en tout. Puis les gens peuvent pas avoir aussi peur de 30 députés. Ni sur la charte en passant. Exact. Là. Non, la charte, c'est terminé. Faut-il oublier que la charte, c'était un écran de fumée. On n'en parlera plus pendant 4 ans de la charte. La charte a été un non-factor. Au contraire, ça a été un facteur négatif avec Jeannette et les délires. Il était trop tard. Avec les délires ethniques aussi, là, à la Bertrand-Saint-Arnaud. Ouais. Youhou, les étudiants ontariens. Il va y avoir des constats à faire, là. En passant, la commission Charbonneau recommence ce matin. Avec, est-ce qu'on parle de financement ça s'en vient. Politique? Ça va être la prochaine étape à la commission, donc d'ici une semaine ou deux. On va parler de financement des partis. Oui, mais on va parler de ministère des Transports. Parti libéral. Mais ça, vous le saviez en votant. Les gens le savaient aussi. Faut pas prendre le monde pour des caves aussi. Les gens le savaient qu'on était pour parler du Parti libéral. Comme on va parler du PQ aussi. Mais hier, j'ai perçu ce vote-là comme étant un vote de confiance envers la commission Charbonneau. C'est comme si on s'était dit, commission Charbonneau s'occupe de ça. Là. Mais nous autres, faut gérer notre business. On a un gouvernement à choisir. Mais là, on a choisi un gouvernement, je comprends, mais par la négative aussi. C'est-à-dire, on a rejeté le PQ, c'est-à-dire le gouvernement qui est en place, pour telle raison. Je pense qu'il y a eu un peu de bilan là-dedans, nécessairement. Il y a eu une sanction sévère par rapport au bilan, des promesses non tenues. Et une peur du retour de la souveraineté. Ça, c'est clair. On le voit dans le graphique du sondage. Et PKP a refait la même affaire hier. Hein? Ouais, mais c'est pas grave, ils ont 4 ans. Là, c'était le temps hier, ils se sont gâtés. Là, hey, là c'était un pays, wouh! Les trois. Hey, vous avez 30 députés, les chumés, là. Qu'est-ce que c'est ça, là, l'excitation totale? Là. N'écoute pas le monde. Capotait, là. Ouais, mais en même temps, juste garder ce gout, là. C'est un circuit fermé. C'est ça. Dans 2 ans, ils vont arrêter d'en parler en prévision de la prochaine élection. Là, gâtez-vous, là, criez le pays partout. Là, pis, c'est mais ça va se déchirer, c'est déjà commencé. Bernard André qui a pu PKP. Pauline n'a pas fait ses boîtes. PKP n'a même pas dit si ça y tentait. Il n'a même pas compris l'impact que ça pourrait avoir même sur lui, je pense. Il était, je pense, fatigué. Il avait l'air fatigué. Le temps de décanter, je pense que ça va être important. Parce que le PQ, c'est pas une bébête gérable, là. Ça va avoir le retour des syndicats, un front commun syndical qui va rejeter massivement la candidature de Pierre-Carl Péladeau. Attendez-vous à ça. À moins qu'il change de discours. C'est possible, mais c'est pas ce qu'on a entendu dans la campagne électorale. Non. À moins qu'ils disent « Renouvelons l'État, ça prend des coupures, ça prend des baisses d'impôts. » Il pourra pas faire ça. Sa base est trop puissante. Non, mais ça va jurer. Il a dit exactement le contraire en campagne. C'est ça. Ça va jurer. Donc voilà, puis pour l'importance des radios, vous pouvez vous la rouler, hein. Je suis pas écouté à Chambly. Puis je suis pas écouté à Bordua. Non. Il y a Johnson. Puis je suis pas écouté à Johnson. Donc cherchez là ce matin les collants Radio X sur des voitures là, on n'est pas écouté là. On nous dit qu'en fait on nous accuse d'avoir prôné le libéral alors que j'ai à peu près dénoncé le Parti libéral à chaque fois que j'en ai parlé. Fait que je suppose. On n'a jamais dit ça ici. Je parle pas de l'antenne en général. Non, moi, je contrôle 9h30 à midi. C'est ça. Juste cibler les bonnes personnes. C'est ça. 9h30 à midi. Insultes à donner. 9h30 à midi. Moi, j'ai dit depuis le début, votez pour qui vous voulez. Et d'ailleurs, ça a été entendu, hein. José Breton, le gars des grosses faufounes. 93 personnes ont voté pour lui. Quand même! Donc, amusez-vous. Faut c'est ça que j'ai dit dès le début. Si vous voulez voter pour ce gars-là, vous votez pour ce gars-là. Résultat, dans le comté de Jean Lesage, il y a 93 personnes qui ont voté pour lui, pensant qu'on ferait du Québec une meilleure province. Faut quand même le faire. Une province un peu plus molle. Peut-être. vous n'aimez ouais. pas ça, les gens qui se mettent au régime. C'est qu'on met beaucoup de pression sur les femmes pour qu'elles perdent du poids, parce que l'idéal sexuel, c'est la fille au petit derrière.